Evariste Ndikomanyanga. Erkoumana sur la mise en onde, bienvenue à ce journal édition de la mi-journée de ce jeudi 21 juin 2018. Donc voici d'abord les principaux titres. Le gouvernement burundais n'a pas échoué à retirer les enfants dans les rues de la capitale Bujumbura, mais c'est un travail qui devra continuer, indique le ministre burundais de la Solidarité. Martin Nitabandi interpelle cependant toutes les associations s'occupant de la promotion des enfants aidés dans la réussite de cette émission. 10 personnes qui ont fait leur déposition et 4000 fosses communes identifiées. Tel est le travail réalisé par la commission Vérité et Réconciliation au cours de la phase qui prend fin à la fin de l'année 2018, annonce faite ce mercredi par le président de la CVR lors de l'atelier organisé par Initiative et Changement Burundi. Et dans la chronique justice de ce jeudi, l'on vous parlera du marché commun au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est. Bienvenue. Ouvrons ce journal par la page justice. Le politicien Melchior Denzo Fabarouche a été condamné à une servitude pénale de 4 mois avec sursis d'une année. Cette décision est de la cour d'appel de Bujumbura. En première instance, Denzo Fabarouche avait été condamné par le tribunal de grande instance de Mukaza à une peine de servitude de 3 ans et une amende de 300 000. Il était poursuivi pour avoir tenu des propos haineux, d'avoir proféré des menaces de mort aux opposants politiques et d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. C'est après qu'une vidéo lui montrant en train de tenir un discours dans sa commune natale de Kabedzi de la province de Bujumbura et circuler sur les réseaux sociaux devant le tribunal de grande instance Mukaza. Le parti CNDD-FDD avait réclamé le dédommagement d'une somme des millions de francs burundais. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Parlons de la page de société, le projet de retrait des enfants mendiants dans les rues de la capitale Bujumbura est un travail qui ne se fait pas en un seul jour. Le ministre burundais de la Solidarité, Martin Nivzabandi, le dit après le constat que des enfants circulent encore dans les rues. Il explique cependant que ce phénomène ne signifie pas que l'État a échoué avec ce projet, mais que c'est un travail qui continue. Il interpelle cependant toutes les associations s'occupant du bien-être de l'enfant d'aider dans la réussite de cette émission. On l'écoute. Jusqu'à maintenant, nous estimons à 1200 enfants qui ont été retirés et de la rue. C'est une opération qui demande beaucoup de moyens, qui demande beaucoup d'efforts. Les enfants qui sont retirés de la rue sont identifiés au niveau des centres où les enfants bénéficient de la prise en charge en termes de nourriture avant d'être réintégrés dans les familles. Mais aussi, il y a une trentaine d'enfants qui n'ont pas pu être identifiés dans les provinces d'origine. Ce sont des enfants qui se sont retrouvés dans la rue suite à des problèmes divers et qui éprouvent des difficultés à reconnaître le milieu d'origine. Lors des opérations de retrait de ces enfants de la rue, ces derniers avaient complètement disparu des rues de la capitale, mais ce phénomène a repris juste après quelques jours. Est-ce qu'on va dire que c'est un projet qui aurait échoué? Ça serait se faire une illusion que cette opération serait une opération d'une seule journée. Non, c'est une opération qui compte. Ce que vous avez remarqué, c'est qu'avant l'opération, on avait lancé un appel au niveau des médias et certains enfants étaient cachés au niveau des coins, au niveau de la capitale. Et après, quand nous avons conduit l'opération, ils ont cru que l'opération avait pris fin et qu'ils pouvaient encore investir la rue. Ces enfants-là doivent être stabilisés dans les familles. Et c'est pourquoi nous avons même lancé un appel très pressant aux différentes organisations internationales et locales qui sont dans le domaine de la promotion du bien-être de l'enfant, de s'inscrire dans la logique du gouvernement de soutenir les familles afin de pouvoir appuyer les communautés d'accueil des enfants de la rue. Le ministre Martin Nidjabanda a été joint au téléphone par ma consœur Francine Ndiokougayo. L'amicale des musiciens du Burundi appelle à la jeunesse burundaise en chômage de pratiquer de la musique pour gagner leur vie. Cet appel de Bruno Sebavimbere, président de la dite association, intervient en cette journée dédiée à la journée mondiale, mondiale de la musique. On l'écoute. J'ai toujours dit que la musique, c'est pas un jeu d'amusement. Faut qu'il le sache. Donc, la musique, c'est un travail comme tant d'autres. Donc, si Bob Marley a cartonné le monde, parce qu'il a travaillé, il a lancé le message. Si nos grands aînés, le Chandra Missi, Matata Christophe, Rixa David, Africa Nova et d'autres, ils ont lancé des messages constructifs, ils ont lancé des messages en l'envoi du public. Alors, nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui. Nous avons plus de 80% des jeunes artistes qui aimeraient bien devenir artiste tard, mais je crois que c'est à nous de tracer un chemin pour qu'ils puissent comprendre l'importance de la musique. La musique, c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour porter des dreads, c'est pas pour... Non, un musicien, il est, on dit, le miroir de la société. Donc, il doit comprendre que je fais la musique pour arriver à quoi? Je fais la musique pour me construire et pour gagner à travers cette musique. C'était Bruno Sebavimbere, président de l'Amicale des musiciens du Burundi. La satisfaction, c'est aussi du côté des artistes. Suivez le musicien Satbi au micro de Namia Ndeike. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes. On vend de la musique à partir de ringtone, à partir de plateformes like Amazon, YouTube, et CD Baby. Partout, on vend de la musique. Et par après, si tu te comportes mieux et si tu connais bien ce que tu cherches, et par les concerts, tu peux avoir aussi mieux beaucoup d'argent que jamais. Très très différent qu'avant. Aujourd'hui, la musique nous fait vivre. Quel appel peut-on donner à tes collègues? D'abord, nous devons nous construire. D'abord, faire des bons produits, parce que la musique, c'est l'industrie. Et on paye des impôts. Ça veut dire que si tu te construis mieux, tu entres quelque chose, puis tu donnes à ton pays comme impôt. Alors, ce que je peux dire aux artistes, il faut travailler bien, très dur, et il faut avoir des vidéos en bonne qualité, des audios en bonne qualité. Et partir, sortir ailleurs, à l'extérieur du pays, se faire de la promotion. J'espère que tout va bien se passer par après. Unaona kama mziki hapa Burundi, mwana mziki anaweza kujiendelesha kimaisha akiwa anafanya mziki. Vous nous excuserez de ce montage qui n'a pas été parfait. L'on poursuit avec ce journal. Plus de 11 000 jeunes de 5 provinces du pays vont bénéficier d'un capital de base pour réaliser des projets de développement en vue de leur permettre de sortir de la pauvreté. Les commissions épiscopales diocésaines de Ruyigi et Gitega ont initié ce projet après qu'il ait été constaté que la pauvreté des jeunes est l'une des causes de leur manipulation. L'élément de notre confrère de Ruyigi n'est pas prêt. On y reviendra dans nos éditions ultérieures. Isanganiro. 70 000 personnes ont fait leur déposition à la commission Vérité et Réconciliation et 4 000 fausses communes ont été identifiées lors de cette phase. Et l'annonce a été faite par le président de la CVR. C'était ce mercredi lors d'un café politique organisé par l'ONG locale Initiative et Changement Burundi sur les expériences de CVR à travers le monde. Selon le consultant Patrick Nzoujibgami, la CVR a été du pain sur la planche vu les missions qui lui sont assignées. Alors, quel temps vers la fin de son mandat? Le point avec Charles Makote. Lors de ce café politique, certains ont émis des interrogations si l'échantillonnage de 70 000 dépositions recueillies vu l'ampleur des atrocités qui ont été commises au pays et pensent qu'il y a d'autres Burundais qui ont toujours à dire à ces inquiétudes. Monseigneur Jean-Louis Nahimana, président de la CVR, répond que l'important ne se trouve pas dans les chiffres des personnes interrogées, mais que c'est la représentativité de l'échantillon, car les témoignages sont parfois semblables. Il y a des points sur lesquels les gens se convergent. Donc, ce qui nous intéresse, nous, dans ce genre de travail, c'est beaucoup plus le qualitatif, pas l'analyse quantitative. Bon, qui est aussi important, qui a aussi son importance. Patrick Kenzo-Djibgami, consultant qui a présenté les résultats des travaux des commissions vérité à travers le monde, fait savoir que le CVR burundais a encore à faire eu égard des missions qui lui ont été assignées. Mais je pense aussi qu'il faudrait garder à l'esprit que la CVR en soi ne pouvait pas réaliser 100% ses missions. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez vous faire un peu de résultats. Vous êtes à 40%, 50%. Parce qu'il reste trop de travail, un travail très immense. Bien que la première phase de déposition vienne de se terminer. Pour Mgr Jean-Louis Nahimana, le processus de réconciliation est un processus long car on ne peut pas, dit-il, réconcilier un peuple dans 4 ans. Ce n'est pas la CVR, par exemple, de réconcilier le peuple burundais. Nous sommes ici comme un espace de réflexion, de conception et d'élaboration d'un programme pour la réconciliation que nous allons soumettre. Donc, on ne va pas réconcilier le Burundais en 4 ans, 4 ou 5 ans. C'est tout un processus qui peut même prendre plusieurs décennies. Mais au moins, le mérite justement d'avoir eu le courage de mettre en place cette institution, c'est de créer cet espace de réflexion, de conception, qui va alors proposer tout un programme. Le mandat de la CVR prendra fin avec le mois de décembre 2018. La loi mettant sur pied cette commission stipule que ce mandat peut être prolongé d'une année. Radio Isanganiro, chronique justice. Place à la chronique justice, le Burundi a ouvert un vaste marché en intégrant le marché commun de la communauté est-africaine. Le professeur de l'université Artemon Nduimana considère que le plus important est d'harmoniser les lois nationales avec le protocole de ce marché en vue d'éliminer les barrières non tarifaires. Le professeur Artemon Nduimana, spécialiste du droit commercial, explique que le marché commun suppose avoir principalement mis en place une union douanière. Les détails, c'est dans cette chronique judiciaire signée Alain Désiré Boukenet. En intégrant la communauté est-africaine en 2007, le Burundi s'est notamment engagé avec les pays membres d'établir une union douanière et un marché commun. Le spécialiste du droit commercial explique que l'on ne peut parler de marché commun sans avoir parlé d'union douanière, ce qui constitue en une harmonisation des tarifs douaniers. L'union douanière signifie que les États membres de la communauté est-africaine ont harmonisé les tarifs douaniers dans le commerce avec les pays extérieurs en établissant un tarif commun appliqué à tout produit importé en dehors de l'union douanière. En plus de la suppression de la discrimination concernant la circulation des marchandises à l'intérieur de la communauté est-africaine et en fait en mettant en place un même et unique droit douaniers pour les États membres de la communauté est-africaine. Artemon Nduimana dit que le marché commun suppose notamment le respect de plusieurs libertés, y compris la libre circulation des marchandises. Le marché commun est l'union douanière à laquelle s'ajoute la libre circulation des marchandises, des personnes, des travailleurs, des capitaux et des services, et sur lesquels s'ajoute le droit de résidence et le droit d'établissement. Pour permettre cette liberté, les pays membres se sont engagés en signant le protocole portant création du marché commun à harmoniser les lois nationales avec le contenu de ce texte. Les pays partenaires se sont engagés à harmoniser les lois nationales pour que ces derniers soient en phase avec le contenu du protocole et l'élimination des barrières non tarifaires en vue d'encourager les investissements à long terme. Le professeur Artemon Nduimana considère que le Burundi a déjà commencé avec la mise en place de l'Office burundais des recettes, OBR, ainsi que l'Agence de promotion des investissements, API. Les avantages liés à son marché commun se réalisent généralement à long terme. 11 ans après l'intégration de son marché, Artemon Nduimana explique que le Burundi en tire énormément, et notamment l'accélération de sa croissance économique. L'intégration régionale permettra donc au Burundi d'accélérer sa croissance économique à travers le l'augmentation des exploitations et par conséquent la réduction du chômage dans l'intégration du Burundi, permettant à la main-d'œuvre burundaise d'aller chercher du travail là où il y en a. Bref, l'intégration du Burundi dans la communauté est-africaine améliorera le bien-être des citoyens burundais. Son marché vaste permettant en outre la compétition facilitera la diminution du prix des biens et services au sein de la communauté. L'intégration du Burundi dans la communauté est-africaine a aussi à diminuer le prix des biens et services dans un marché vaste qui ouvre à la compétition. Et à titre d'exemple, sur le plan commercial, vous savez que 90% des importations et des exportations se font par les ports de Mombasa et de Dar es Salaam, l'aéroport de Nairobi, quant à lui, intervenant dans le transport des personnes. La difficulté d'harmonisation des lois nationales avec le protocole portant création du marché commun constitue l'une des obstacles de l'intégration effective, ce que nous expliquera le professeur Artemon Louimana dans la prochaine chronique. C'est sur cette chronique judiciaire que se referme cette édition, mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel de l'essentiel de l'actualité. Le gouvernement burundais n'a pas échoué à retirer les enfants dans les rues de la capitale Bujumbura, mais c'est un travail qui devra continuer, indique le ministre burundais de la Solidarité. Martin Nivzabandi interpelle cependant toutes les associations s'occupant de la promotion des enfants d'aider dans la réussite de cette mission. 70 personnes qui ont fait leur déposition et 4000 fausses communes identifiées, tel est le travail réalisé par la commission Vérité et Réconciliation au cours de la phase qui prend fin à la fin de l'année 2018. Annonce faite ce mercredi par le président de la CVR lors de l'atelier organisé par l'ONG locale Initiative et Changement Burundi. Et en cette journée mondiale de la musique, les artistes burundais confirment qu'ils vivent mieux aujourd'hui grâce à la musique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à la réaliser la présentation. Vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Bon après-midi à toutes et à tous.